Ça tourne dans ma tête. Ça tourne dans ma tête. Ça tourne dans ma tête. Ça tourne dans ma tête. Ça tourne dans ma tête. Ça tourne dans ma tête. Ça tourne dans ma tête. Ça tourne dans ma tête. J'ai des petits problèmes à la casa, mais c'est chill. Tu quittes, tu sais que quand je suis pas là, je fais les billets. Elle me dit fais attention s'il y a des folles, on s'est crié. Ça m'a fait de la peine quand j'ai vu que c'est de scintiller. Rien n'est acquis et je vais pas te faire un croquis. Faut jobber comme l'OVNI, besoin de personne, on t'a dit. Sancho, ils m'ont pris pour qui? J't'ai dit, t'as le cœur en panne. Ils sont pleins d'anani, t'inquiète, y'en a plein des femmes. J'ai pas changé, toujours mon pet ou ma canette. C'est pas les autres qui vont me faire descendre ma planète. Bébé, j'ai bu, j'pense trop à toi, faut que j'arrête. J'ai bu, y'a tout qui tourne dans ma tête. Et quand ça chauffe, t'appelles tes papas. Le plus fort, c'est pas le plus costaud. Le plus fort, c'est lui qui parle pas. Poupée de survêtre, vais j'arrêter peut-être. Mais pour l'instant, tout j'pète. Ils veulent tous me voir couler. Les poupées de survêtre, vais j'arrêter peut-être. Mais pour l'instant, tout j'pète. Ils veulent tous me voir couler. J'ai pas changé, toujours mon pétou, ma canette. C'est pas les sous qui vont me faire descendre ma planète. Bébé, j'ai bu, j'pense trop à toi, faut que j'arrête. J'ai bu, y'a tout qui tourne dans ma tête. Ça tourne dans ma tête. Ça tourne dans ma tête. Ça tourne dans ma tête. Ça tourne dans ma tête. Ça tourne dans ma tête. Ça tourne dans ma tête. Ça tourne dans ma tête. Ça tourne dans ma tête. J'ai pas changé, toujours mon pétou, ma canette. C'est pas les sous qui vont me faire descendre ma planète. Bébé, j'ai bu, j'pense trop à toi, faut que j'arrête. J'ai bu, y'a tout qui tourne dans ma tête. Ça tourne dans ma tête. Ça tourne dans ma tête. Ça tourne dans ma tête.